la sous-commission des jeunes étudiants du comité Nord, la direction des jeunes étudiants du comité Sud et le comité préparatoire de la commission des jeunes étudiants du comité d'Outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin ont rendu public en commun le 3 courant une résolution qui indique notamment. 87 ans ont passé depuis que les jeunes élèves coréens ont livré la lutte anti-japonaise à Gwangju, qui s'est étendue dans tout le pays contre la domination coloniale barbare des impérialistes japonais et contre le mépris et les injures cruelles à l'égard des jeunes filles élèves coréennes. L'incident des élèves de Gwangju était l'explosion de rancune et de colère implacable contre les impérialistes japonais qui ont occupé illégalement la Corée et infligé toutes sortes de malheurs et pertes aux Coréens par leur domination coloniale diabolique, et aussi la lutte patriotique juste des jeunes élèves coréens pour recouvrer la liberté, l'indépendance et la dignité nationale. Le Japon, qui a causé malheur et souffrance innombrables à la nation coréenne pendant une quarantaine d'années de domination coloniale au siècle dernier, se moque de la nation coréenne tout en dénaturant et refusant comme toujours l'histoire de son agression de façon éhontée, au lieu de se repentir et de s'excuser de son crime du passé. L'archipel est allé jusqu'à dévoiler ouvertement la tentative de spoliation de l'île de Do, donne de l'éperon à la résurrection du militarisme et à la régression, intensifie la persécution et la répression politique à l'égard de nos compatriotes au Japon, en empêchant par tous les moyens la réunification du pays tant désirée par tous les compatriotes coréens. Surtout, la traîtrise pro-japonaise des forces sécessionnistes destinées à ouvrir la porte à la régression des réactionnaires japonais, en fermant les yeux sur les crimes du passé du Japon, suscite l'indignation véhémente de tous les jeunes étudiants coréens. La lutte se livrera jusqu'à la fin pour recevoir les excuses et indemnisations du Japon pour ses crimes de toutes sortes commis contre les Coréens après avoir occupé la Corée. Nous repousserons résolument la dénaturation de l'histoire du Japon, sa tentative d'expropriation de l'île de Do, ses menées de renaissance militariste et de réagression, et briserons catégoriquement les menées de répression de nos compatriotes au Japon par les réactionnaires japonais. Le mouvement pour la paix et la réunification indépendante de la patrie sera livré plus énergiquement sous la bannière de la souveraineté nationale et de la grande union nationale. En soutenant activement le projet d'ouverture du rendez-vous national qui jouit de l'approbation ardente de l'intérieur et de l'extérieur du pays, nous aboutirons pour l'immédiat à un grand rassemblement des jeunes coréens pour la réunification qui réunira amplement toutes les couches des jeunes étudiants du Nord, du Sud et de la diaspora, afin d'imprimer en tête une phase de tournant nouvelle de la réunification du pays. Pour y parvenir, le contact d'espère des délégués des jeunes étudiants du Nord, du Sud et d'Outre-mer aura lieu à la dernière décade de novembre prochain ou à une date convenue pour discuter des problèmes pratiques en vue de promouvoir le grand rendez-vous des jeunes étudiants. Tous les jeunes étudiants de l'intérieur et de l'extérieur du pays sont invités à réaliser à tout prix le rassemblement en question et à participer comme un seul au mouvement patriotique sacré pour ouvrir une voie large à la paix et à la réunification de la patrie.